Après le beau temps, y'a la pluie. J'demain, c'est loin. J'avais du mal à comprendre tout ce qui m'arrive. Reste maître de ta vie. J'demain, c'est loin. Sois préparé pour l'averse, mon ami. Après le beau temps, y'a la pluie. J'demain, c'est loin. J'avais du mal à comprendre tout ce qui m'arrive. Reste maître de ta vie. J'demain, c'est loin. Sois préparé pour l'averse, mon ami. Je sais que tout peut s'écrouler. Je pense à cette vie d'avant, je sais que c'est dur, mais je te parle cette vie d'avant, je veux pas y retourner. Je pense à cette vie d'avant, je sais que c'est dur, mais j'ai envie de te dire que, j'ai envie de te dire que. Après le beau temps, y'a la pluie. J'demain, c'est loin. J'avais du mal à comprendre tout ce qui m'arrive. Reste maître de ta vie. J'demain, c'est loin. Sois préparé pour la vie, c'est mon ami. Après le beau temps, y'a la pluie. J'demain, c'est loin. Demain c'est moi, moi, moi. A chaque fois que je suis tout seul, je me pose des questions sur ma vie. J'oublie tout sur plusieurs, t'as fait ma raison de vivre. Je me rappelle de cette époque où on se faisait toucher par les chemins. Aujourd'hui je dois faire des drops sur toutes les rages, je gagne ma vie. Et je fais de la musique, je fais le tour de la France, j'ai des skinusines. Moi côté les kefs, on la résine. Je fais le tour de la France, j'ai des skinusines. Après le temps, y'a la clé. J'avais du mal à comprendre tout ce qui m'arrive. Reste maître de ta vie. Demain c'est loin. Sois préparé pour l'inverse, mon ami. Après le temps, y'a la paix. Demain c'est loin. J'avais du mal à comprendre tout ce qui m'arrive. Reste maître de ta vie. Demain c'est loin. Sois préparé pour l'inverse, mon ami. Après le temps, y'a la paix. Demain c'est loin. Après le temps, y'a la paix. Demain c'est loin. Non, non, non.